Merci Marie-Hélène, 19h30. C'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Au cœur de l'Arabie, aux marges du désert des déserts, le Rub al-Ahli, qu'un événement majeur s'est déroulé à l'échelle de l'Ancien Monde. Bouleversement politique et religieux d'une ampleur inégalée, l'avènement de l'islam constitue à lui seul un changement d'époque, une borne chronologique, la période islamique. Bien avant la conquête de l'Asie à Cordoue, qu'en était-il de l'Arabie et de ses dieux ? Sous la truelle des archéologues, 60 ans de recherche révèlent aux historiens et épigraphistes bien des surprises. Pour pénétrer au cœur de cette péninsule de sable, remonter le temps, découvrir le passé de l'Arabie heureuse, la genèse d'une religion ou le monothéisme, Christian-Julien Robin, bonjour. Bonjour. Membre de l'Institut, directeur de recherche au CNRS, épigraphiste, éminent spécialiste des royaumes sud-arabiques et des temps pré-islamiques, je vous sais revenir d'Arabie Saoudite où vous œuvrez actuellement. Nous évoquerons vos découvertes de Najran. Christian Robin, ma première question ne portera pas sur un lointain passé, mais le présent et l'avenir. Un conflit tombé dans l'oubli qui n'intéresse personne, l'actuel drame yéménite. Le Yémen, effectivement, est dans une situation tout à fait désespérée depuis un certain nombre d'années. Il y a différentes raisons. Il y a d'abord une raison de très long terme. Il y a deux Arabies. Il y a une Arabie de la montagne, une Arabie d'agriculteurs qui cultive aussi bien les céréales que le café, le Yémen. Et il y a une Arabie beaucoup plus stérile, avec d'immenses steppes, même s'il y a des régions qui sont cultivées, même s'il y a des oasis. Et ces deux Arabies-là, très fréquemment, se sont opposées. Il y a donc cette première fracture. À cette fracture s'ajoutent bien d'autres à l'intérieur du Yémen. Une fracture entre la population traditionnellement très tribalisée, qui est plutôt zéidite, la population des Bastères, qui elle est chaféite, c'est-à-dire qui appartient au courant majoritaire de l'islam, tandis que les zéidites sont une petite secte très minoritaire qui ne survit qu'au Yémen et qui est très éloignée, contrairement à ce que l'on dit dans la présentation journalistique du chiisme. Évidemment, ils ont une même origine historique en remontant très haut dans le temps, mais disons, ça n'est pas du tout une fraction du chiisme comme on le présente d'habitude. C'est une première fracture. Il y a une fracture également qui est de nature sociale, c'est-à-dire la répartition des richesses est extraordinairement inégale. Il y a une fracture historique entre un Yémen du Sud qui a été dominé par les Anglais, un Yémen du Nord qui a été soit indépendant, soit dominé par les Ottomans, etc. Et enfin, il y a une surcharge de population tout à fait extraordinaire qui s'est manifestée surtout après la première guerre du Golfe, quand 1 million de Yéménites qui travaillaient dans l'Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, etc., a été expulsé et rentré au Yémen, provoquant donc immédiatement après la réunification qui est intervenue en 1990, un déséquilibre social dont le Yémen ne s'est jamais sorti donc depuis 25 ans. C'est un désastre bien sûr social, c'est aussi un désastre patrimonial. Alors, disons, on parle de Palmyre, on parle de beaucoup de villes, effectivement, où il y a des destructions au Proche-Orient tout à fait désastreuses. Au Yémen, c'est un petit peu la même chose, mais c'est la même chose pour une autre raison. La guerre, évidemment, entraîne des destructions, c'est absolument sûr, ça a été dit dans les médias, et donc il y a eu des illustrations. Mais c'est surtout l'absence d'État qui fait que, pareil, tout le monde participe au pillage des antiquités, que ce soit l'armée d'un côté, que ce soit la population locale, etc. Et donc, il y a eu un désastre depuis une vingtaine ou une trentaine d'années sur la plupart des sites du Yémen, qui fait que l'archéologie, quand le Yémen sera à nouveau pacifié, ne pourra plus se pratiquer comme elle aurait pu se pratiquer si le pays avait été bien administré. Aucun archéologue n'est sur le terrain. Il n'est pas possible d'y aller dans la mesure où les autorités des pays occidentaux sont très réservées. Disons, il y a évidemment un certain risque du fait de la guerre, du fait de l'insécurité, du fait de la difficulté de quitter le pays en cas de période de tension. Donc, nous ne sommes pas encouragés à aller au Yémen. Le mot est très beau, au cœur de l'Arabie et avant l'islam. Nous voici dans le temps de l'ignorance. Alors, le temps de l'ignorance, c'est effectivement une expression apologétique qui a été développée dans l'islam pour souligner le contraste entre la success story qui a suivi la révélation et la période, évidemment, d'abaissement qui précédait. Donc, cette période d'abaissement était celle de l'ignorance de Dieu. La racine jahala en arabe souligne l'ignorance et donc jahiliya est devenue l'appellation théologique de la période précédente dans la révélation, mais évidemment, c'est une vision purement théologique, ça n'a rien à voir avec l'histoire. La reine de Saba et ses grandes cités pourvoyeuses d'encens, une écriture originale, voici ce qu'il faut savoir sur ces sociétés qui précèdent l'islam. Alors, sur les sociétés qui précèdent l'islam, il est préférable de procéder de manière empirique, c'est-à-dire d'aller sur les sites archéologiques, de regarder les vestiges qui subsistent, de lire les inscriptions, plutôt que de lire les textes fondateurs des grandes religions monothéistes. Une écriture sabéenne qui serait d'origine araméenne, c'est bien ça ? Pas du tout. Il y a eu deux vagues d'écriture dans la péninsule arabique. La première vague se manifeste aux alentours 2000 avant l'ère chrétienne. Et c'est une écriture dont l'ordre des lettres est identique à un ordre que l'on trouve à Ougarit, sur la côte de la Méditerranée, disons en Syrie actuelle. Et la forme des lettres est une forme qui est assez proche des écritures du Levant, phénicien, etc. Mais, disons, s'il y a la même origine, c'est-à-dire ce sont certainement des écritures qui ont un rapport, disons, à peu près d'égalité dans l'arbre généalogique, elles ne dérivent pas du phénicien, c'est-à-dire elles ont un même ancêtre et ce sont deux rameaux parallèles de l'alphabet. Ça, c'est la première vague et toute la péninsule arabique, c'est l'adjectif que l'on forme sur le nom de la péninsule, c'est-à-dire c'est un nom géographique, ça n'a rien à voir avec la langue. Donc, toute la péninsule arabique a utilisé cette écriture que l'on appelle également arabique, qui est propre à la péninsule. D'autre part, à partir du début de l'ère chrétienne, l'écriture araméenne qui avait déjà été introduite dans une oasis du Nord, puis ensuite dans la partie de l'Arabie qui était dominée par les Nabatéens de Petra en Jordanie. Donc cette écriture araméenne a pris racine dans le nord-ouest de la péninsule et s'est progressivement diffusée sur l'ensemble de la péninsule et a donné naissance à l'écriture arabe qui devient ensuite une écriture évidemment d'une utilisation beaucoup plus vaste puisque disons c'est l'écriture de l'islam et que tous les peuples musulmans écrivent leur langue, quelle qu'elle soit, avec cette écriture-là. On en a l'exemple par exemple au Pakistan, l'ourdou s'écrit avec l'alphabet arabe. Que sait-on des dieux des royaumes sud-arabiques ? Alors, les divinités que l'on a sont très nombreuses dans la péninsule arabique. Si on procède un petit peu comme le faisaient les encyclopédies des années 1950-1960, c'est-à-dire avec des catalogues, des inventaires, des compilations, on avait donc des dieux et on ne comprenait pas très bien comment les choses s'organisaient. Maintenant, avec la connaissance de la géographie, on s'aperçoit que chaque grand dieu a en fait un territoire, est lié à un état, joue un rôle politique, et en fait, le culte de ce dieu sert de fondement à un état. C'est-à-dire, on a quatre grands états en Arabie du Sud, et chacun de ces états a un grand dieu, et ce grand dieu n'est vénéré que dans l'état en question. Donc, on a un lien très fort entre l'organisation spatiale et la distribution des cultes. Donc, on a des dieux des sociétés, on a des dieux des tribus, car le phénomène tribal est aussi une sorte de ferment de la société. Alors, effectivement, disons, la société est entièrement tribale, avec des petites tribus qui, ensemble, forment des ensembles un petit peu plus vastes, et ces ensembles, quand ils se regroupent, forment un royaume. Et donc, on a, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'Arabie du Sud, trois grands royaumes, plus un quatrième qui est un petit peu moins important. Chacun de ces royaumes a un grand dieu qui est probablement le dieu de la tribu qui a servi un petit peu de noyau au rassemblement de cette vaste formation, de vaste ensemble de tribus. Il y a un certain nombre d'autres divinités qui sont associées à ce grand dieu et qui sont l'objet d'un culte public par l'ensemble des tribus du royaume et ce sont ces divinités qui forment le panthéon. Le panthéon se compose en général de 3 à 5 divinités. On peut même établir quelques règles. Par exemple, dans l'énumération des divinités du Panthéon, les dieux viennent d'abord, les déesses viennent ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une certaine prédominance, effectivement, de l'élément masculin également dans les Panthéons. Et le souverain joue un rôle important dans tous les rites qui sont pratiqués de manière régulière, semble-t-il, pour le grand Dieu, lors d'un pèlerinage annuel, toutes les tribus du royaume envoient des délégations, et seulement les tribus du royaume. C'est-à-dire ici, on observe également une sorte d'exclusivité, c'est-à-dire ça joue dans les deux sens. Sont sabéens ceux qui vénèrent Almaka, mais ne sont sabéens que ceux qui vénèrent Almaka. Christian Robin, ces sociétés avaient le culte des idoles et de la pratique du sacrifice sanglant, du moins vos prédécesseurs historiens le pensaient ? Nous avons effectivement mention d'un certain nombre de sacrifices. Alors, il est très vraisemblable que le sacrifice sanglant jouait un grand rôle, puisque c'est la même chose, disons, dans le temple de Jérusalem, c'est la même chose au temple de la Mecque, etc., dans l'islam et dans les populations qui précèdent l'islam. Donc, il y a très grande vraisemblance que ce soit exactement les mêmes pratiques qui s'observeraient en Arabie du Sud si on avait les sources suffisantes. Ce que l'on observe, premièrement, il y a eu un certain nombre de temples qui ont été fouillés, ils ne sont pas un très grand nombre, il y en a environ une dizaine. Dans ces temples, on n'a aucune représentation des divinités sous forme humaine ou sous forme animale, que ce soit dans les décors des parois des temples, que ce soit sous forme d'une statue de culte qui aurait été découverte. Alors pour le moment, c'est un argument a silencio, bien évidemment, mais la série est déjà relativement longue, c'est-à-dire le fait qu'on ait trouvé aucune statue de culte est déjà un élément qui donne à penser qu'il y avait une conception de la divinité qui était très transcendante, très éloignée de la nature humaine, et donc la divinité, tout au moins la plus élevée, ne pouvait pas être représentée sous forme d'un homme ou sous forme d'un animal. Au contraire, les divinités intermédiaires qui servaient de messagers entre le bas monde et le monde supérieur, disons, de la divinité transcendante, elles peuvent être représentées sous la forme soit d'un ange à notre manière, c'est-à-dire d'un personnage avec des ailes, soit d'autres figures répétées. Et donc, on a la possibilité de représenter les petites divinités qui protègent les individus, qui protègent les monuments, etc., mais non pas les grandes divinités. Un autre argument qui va dans ce sens, c'est que notre mission en Arabie Saoudite, dans le désert, à environ une centaine de kilomètres au nord-est de la frontière du Yémen et de l'Arabie Saoudite, a découvert un trône construit en bloc, sur lequel est écrit le nom d'une divinité, la grande divinité locale de l'oasis de Najran. Et donc, on a l'impression que ce dieu, lui aussi, était vénéré non pas sous forme d'une statue, mais sous la forme d'un trône qui était vide. Comment se présentait ce trône? Comment vous l'avez trouvé, d'ailleurs? Alors, c'est un trône en pierre. Notre chauffeur nous disait, vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle le coursi, c'est-à-dire le siège à tel endroit. Et il arrive très souvent que les informations que l'on a soient effectivement des vues un petit peu de l'esprit, des projections, des fantasmes des personnes qui rapportent ces choses-là. Et donc, nous y sommes allés, il faut toujours vérifier. Et il s'agit effectivement d'un trône assez grossier, mais tout à fait visible, avec la partie sur laquelle on peut s'asseoir, des montants de chaque côté, la partie plate donc qui est inscrite, donc parfaitement reconnaissable, et puis dans un petit cercle, disons il y a des rochers qui dessinent plus ou moins un cercle autour, etc. Donc on imagine assez facilement un lieu de culte, et l'hypothèse que nous avons formée, qui n'est jamais tout à fait sûre, apparaît néanmoins tout à fait vraisemblable. Il existerait donc une forte réticence à représenter la divinité sous forme humaine ou animale, vous le disiez à l'instant. Quel est pour vous l'explication de cet interdit? L'explication, c'est pas un interdit, c'est-à-dire on conçoit la divinité de manière assez différente de la condition humaine. Il y a un énorme fossé entre le dieu. Alors, on ne sait pas comment le dieu était conçu, représenté, etc. Mais en fait, disons, on peut donner un exemple en ce qui concerne la Mecque. Les adversaires de Mohammed, quand Mohammed est arrivé avec son message, on considérait que ce message ne venait pas de Dieu parce que Mohammed était un homme. Or, ses adversaires, du simple fait qu'ils désignent Dieu par le nom Allah et non pas le nom du Dieu monothéiste, étaient ce que nous appelons des païens. C'est-à-dire, ils étaient dans la tradition du paganisme, ils vénéraient une divinité issue du paganisme et donc il reproche à Mohammed de ne pas être prophète parce que un prophète qui a reçu la parole divine ne peut pas avoir eu un contact direct avec la divinité s'il est un homme. On lui dit, puisque tu n'es pas un ange, donc tu ne peux pas être le messager de Dieu. Seul un ange peut avoir le rapport direct avec la divinité. Ce qui nous montre que les adeptes d'Allah à la Mecque, adeptes, je le répète, enfin disons considérés entre guillemets comme païens, avaient eux aussi une conception transcendante de la divinité. Christian Robin, le rejet des images n'est donc pas une innovation islamique ? Ça n'est pas une innovation islamique, puisqu'on la trouve dans le judaïsme également, c'est-à-dire Yahvé ne peut pas être représenté sous forme animale ou sous forme humaine. Et notre maître André Caco avait une explication toute simple. À partir du moment où une divinité évolue vers une divinité unique, c'est-à-dire si on ajoute sur cette divinité la totalité des fonctions, que ce soit la fonction nourricière de la mère, que ce soit la fonction de sagesse du vieillard, que ce soit le jeune guerrier, etc., à partir du moment où on additionne ces fonctions, il n'est plus possible matériellement de représenter une entité qui soit à la fois jeune et vieille, masculine et féminine, etc. Donc, la décantation se fait naturellement. Donc, ça, c'était l'explication de Caco. Moi, mon explication serait plutôt de dire que la conception de la divinité est très, très éloignée de la conception que l'on a de l'être humain. Et donc, il y a déjà un sentiment de transcendance qui existe évidemment dans le judaïsme, qui existe ensuite dans l'islam, mais qui devait exister également dans les populations qui étaient pré-juives, si je puis dire, ou qui étaient païennes dans la péninsule arabique. Transculture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Christian Robin, après le Yémen, vous prospectez actuellement au cœur de l'Arabie Saoudite. Ce que vous avez trouvé à Najran et Birama, ce sont les premiers textes arabes pré-islamiques dans le sud de l'Arabie. En 2014, notre mission, de manière fortuite, ça a d'abord été Frédéric Imbert qui a trouvé un lot de textes, et puis ensuite j'en ai trouvé un autre à l'automne, donc a découvert un lot de textes qui sont en écriture arabe, et qui sont de manière sûre antérieurs à l'islam. Ce qui permet d'être sûr qu'ils sont antérieurs à l'islam, c'est d'abord que le formulaire est tout à fait différent des inscriptions islamiques, premièrement. Deuxièmement, l'orthographe des noms propres est notablement différente parce que le tanwin de l'arabe est systématiquement noté par un W à la fin du mot, ce qui existe en arabe de manière très résiduelle, mais qui a disparu de la langue arabe classique. C'est donc un deuxième élément. Le troisième élément, donc l'écriture. Vous avez aussi beaucoup de représentations figurées, un art rupestre, un art des parois rocheuses. Alors cette zone de Hima, qui est à environ 100 kilomètres au nord de Najran, sur la route qui mène aussi bien vers la Syrie que vers l'Irak ou vers le Golfe, est le début, enfin disons, est l'entrée dans un immense désert, où évidemment, bien des dangers risquent de menacer les voyageurs. Alors, de manière assez étonnante, dans cette zone qui est un grand massif de grès, on trouve des centaines de milliers de textes en général très courts et de petits dessins, de gravures rupestres, etc. Et le problème est d'abord de savoir quels sont les auteurs, disons, de l'ensemble de ces textes et de l'ensemble de ces gravures rupestres. Il se dégage quand même une certaine distribution entre les deux, parce que les gravures rupestres et les textes dans une écriture que l'on peut considérer comme une écriture locale se trouvent dans les vallées qui pénètrent les massifs, tandis que les textes écrits en écriture sud-arabique se trouvent à la périphérie de ces massifs. On voit donc que les gens qui circulent, c'est-à-dire les gens qui écrivent en sud-arabique, sont plutôt des commerçants, des caravaniers, des voyageurs, des gens d'un statut social relativement élevé. Ils ne pénètrent pas dans les massifs, mais quand ils longent les massifs, ils écrivent leur nom. Et à l'intérieur des massifs, c'est la population locale donc qui fait toutes ces gravures rupestres et ces graphites dans l'écriture que j'ai appelée Himaïte, d'après le nom du puits local. C'est drôle cette vocation à graver des textes et de faire des dessins au cœur du désert. C'est tout à fait étonnant, puisque dans d'autres zones qui présentent exactement les mêmes caractères, c'est-à-dire des surfaces rocheuses tout à fait adaptées pour faire faire des gravures rupestres ou des zones de circulation, etc., la distribution n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, il y a des zones qui n'ont absolument pas de graphite alors qu'il pourrait y en avoir, et il y en a d'autres où les graphites sont difficiles à faire, et néanmoins, on en trouve un nombre relativement élevé. Donc, ça répond plutôt à des dynamiques sociales. Ça ne répond pas simplement aux conditions naturelles que l'on peut observer. Christian Robin, vous avez aussi trouvé des inscriptions chrétiennes ? Nous avons trouvé des inscriptions munies de croix qui commémorent très vraisemblablement des personnages importants, vénérés, qui ont pu être martyrisés à Nejran. En tout cas, l'une de ces inscriptions est datée. La date qu'elle porte est 470. Et on sait qu'entre 468 et 480, il y a eu une première répression contre des chrétiens à Nejran. Donc, il y a une coïncidence de date qui amène à penser qu'effectivement, il y avait un petit lieu de vénération de personnages qui avaient frappé un petit peu les populations locales et qui étaient chrétiens. En 380, les rois iriamites rejettent le polythéisme. Que se passe-t-il ? Alors, la question de la conversion est une question, évidemment, un peu compliquée. Évidemment, on peut avoir aussi des points de vue différents selon la sensibilité personnelle. La première observation que l'on peut faire, c'est que le royaume de Himyar, qui a conquis successivement tous les royaumes de l'Arabie du Sud, donc qui a unifié l'ensemble de l'Arabie du Sud, comme l'Empire romain, a besoin d'une politique religieuse unique pour unifier des membres un petit peu dispersés dans un royaume très vaste, avec un passé dans chacune de ces régions un petit peu différent. Donc il y a besoin d'unification, et une politique religieuse unique, évidemment, est un facteur d'unification important. Deuxièmement, il y a des aspirations plus spirituelles qui se manifestent aussi bien dans le monde méditerranéen qu'en Arabie. Et on voit très bien que l'Arabie évolue exactement au même moment que l'Empire romain ou que l'Éthiopie voisine. Donc on est encore dans le monde méditerranéen, c'est-à-dire la vision du désert, etc., est évidemment un stéréotype du 19e siècle, des voyageurs. Toute l'Arabie est prise dans des réseaux qui sont communs avec le monde méditerranéen. Donc il y a des aspirations spirituelles et il y a troisièmement un aspect politique. Quand vous réformez la religion traditionnelle, vous laissez les choses en l'état, c'est-à-dire vous apportez des petits changements à l'organisation, au mode de perception des textes religieuses, etc. Mais quand vous vous convertissez, vous repartez à zéro. Donc ça permet au pouvoir politique de récupérer tous les trésors des temples. C'est ce que font les Romains et c'est ce que font les Émirites. Il y aura bien sûr d'un côté les chrétiens, mais il y aura aussi tout le judaïsme, et un judaïsme qui est très différent du judaïsme des rabbins. Alors, le judaïsme des rabbins, il est surtout attesté après l'islam. Disons, quand on remonte avant l'islam, on a un judaïsme évidemment beaucoup plus divers. En Asie mineure, par exemple, dans la Turquie actuelle, il y a un judaïsme très puissant, mais il est bien évident que ce judaïsme, soit en Afrique du Nord, soit en Turquie, soit à Rome, etc., n'est pas le même que le judaïsme que l'on observe après l'islam. Alors, le judaïsme est très fortement enraciné dans toute la partie occidentale de la péninsule arabique. Le christianisme, en fait, est confiné à la partie orientale, avec quelques zones marginales qui sont proches de l'Empire byzantin au nord-ouest de la péninsule arabique, et puis, disons, les zones périphériques du Yémen, comme Nejran, les régions côtières, ou l'île de Socotra. Donc, on a un judaïsme qui est très puissant et qui influence la politique émirite, et le roi, au moment où il décide de basculer, c'est-à-dire de passer du paganisme, de rejeter le paganisme et d'adopter une nouvelle religion, est sans doute tenté d'adopter le judaïsme. Mais le judaïsme pose de redoutables problèmes dans une société tribale où les liens sont extrêmement forts entre les membres d'une même tribu. Et si à l'intérieur d'une même tribu, certains sont juifs et d'autres ne sont pas juifs, il y a des interdits alimentaires, etc., il y a de nombreux obstacles qui font que cette solidarité tribale risque de se rompre. Donc, le choix qui est fait au Yémen, c'est en fait un monothéisme inspiré du judaïsme qui devient la religion officielle à partir de 380 et qui reste la religion officielle jusque vers 500. Le christianisme aurait été introduit par la ville de Nejran, là justement où vous travaillez ? Alors, le christianisme est introduit par des commerçants. Il est introduit probablement par les ports. D'un côté, je disais que le christianisme se répand dans les régions périphériques du Yémen, hein, comme les régions côtières, l'île de Socotra. Najran, évidemment, est une oasis de l'intérieur. Donc, ça n'est pas par la mer que le christianisme y est arrivé. Et d'ailleurs, on a des sources littéraires, la chronique de Sert, qui nous mentionne que c'est de la ville de Hira, dans le sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire c'est à l'emplacement à peu près de d'El Koufa aujourd'hui en Irak. Ce sont des chrétiens, donc, d'El Hira, qui ont été les premiers à introduire le christianisme à Najran. Et ensuite, ce sont des chrétiens de Syrie du Nord. En 500, les rois éthiopiens d'Aksum contrôlent l'Arabie. Vous avez des gravures représentant des éléphants et des hommes. Un fait relaté dans une sourate, la sourate 105 du Coran. Alors, disons, on va partir d'abord de l'observation des lieux. Effectivement, il y a trois gravures d'éléphants qui ont été découvertes dans le sud de la péninsule arabique. Il y en a une autre qui avait déjà été découverte dans le nord. Et donc, dans le désert, ça paraît effectivement très surprenant de trouver des dessins gravé dans le rocher, qui représente un éléphant. L'éléphant est tout à fait sûr, parce que non seulement la trompe est très bien dessinée, mais on voit également sur sa tête un cornac, et donc l'identification ne pose pas de problème. Dans le monde méditerranéen, disons, les éléphants étaient des animaux qui étaient très prestigieux, c'est-à-dire assez fréquemment, les peuples, disons, d'Afrique envoyaient, semble-t-il, des éléphants à l'empereur romain ou à l'empereur byzantin. Et en particulier, on a la mention d'un éléphant qui arrive à Eilat en 496 de l'ère chrétienne et qui, d'Eilat, se rend à Gaza pour être envoyé à l'empereur byzantin. Et à Gaza, il est représenté sur des mosaïques avec les deux girafes qui accompagnent l'éléphant, etc. Donc, des éléphants, il y en a beaucoup. Mais des éléphants dans le désert, c'est un petit peu plus surprenant, parce qu'on imagine mal que l'éléphant éthiopien ait été amené depuis l'Éthiopie jusque vers Eilat par la voie de terre. C'est pas impossible, hein, mais enfin, disons, c'est peu vraisemblable. Il faut donc trouver une autre explication. L'autre explication, c'est que l'éléphant est un animal qui est le symbole du pouvoir royal, et donc le négus d'Éthiopie aime recevoir les ambassadeurs, par exemple, juchés sur quatre éléphants, et on a beaucoup d'autres exemples, etc., du fait que l'éléphant accompagne naturellement le roi quand il est en déplacement. Il se trouve qu'au Yémen, entre 530 et 575, le roi est d'origine éthiopienne. Et donc chrétien. Et donc chrétien, bien sûr. Le Yémen est chrétien, mais le Yémen, ça va jusqu'à la frontière de la Jordanie et jusqu'à la frontière de l'Irak. C'est-à-dire, toute l'Arabie est chrétienne vers 550. Et on a une inscription du roi de l'époque qui mentionne la soumission de la ville de Yathreb à son pouvoir. Donc, alors ensuite, discuter pour savoir quel est le degré de pouvoir qu'exerce véritablement le souverain sur les différentes régions, ça on ne le sait pas véritablement. Néanmoins, disons, officiellement, l'ensemble de l'Arabie est chrétienne pendant un certain temps. C'est ce roi qui a fait une expédition contre la Mecque avec une armée précédée par un éléphant, ce qui est mentionné dans la poésie préislamique de manière indépendante du Coran, mentionné également dans le Coran, donc on a une quasi-certitude que c'est un événement historique, et donc on peut mettre en relation les trois gravures d'éléphants avec l'armée de ce roi, pas forcément l'expédition contre la Mecque, mais l'armée de ce roi quand elle a circulé dans la région de Najran. Le Coran puisse-t-il dans ce passé, ou très peu ? Le Coran est un texte, disons, je suis un historien, disons, je ne rentre pas dans les débats théologiques, je constate simplement des relations que l'on peut établir. Le Coran est un texte de son époque. Je peux vous donner un petit exemple, une petite illustration, disons, il y en a beaucoup qui pourraient être faites, mais disons, l'illustration la plus notable. Le premier roi chrétien fait des invocations à la Trinité, et dans la Trinité, il appelle la deuxième personne le Fils de Dieu. Le deuxième roi chrétien, qui est dans un pays où la majorité de la population est juive, modifie l'appellation de la deuxième personne de la Trinité et dit son Messie, Dieu, son Messie et l'Esprit Saint. Et le simple fait qu'il emploie cette expression est très significatif d'une modification, disons, de la vision christologique de ce souverain par rapport au précédent. Et si on regarde maintenant l'islam, dans le Coran, on retrouve Dieu, Isa qui est le Messie, le fils de Marie, et l'Esprit Saint, c'est-à-dire la terminologie que l'on a dans ces inscriptions qui datent des années 550 est tout à fait semblable à celle que l'on va retrouver dans le Coran. Et donc, on peut établir, bien évidemment, entre la situation religieuse de l'Arabie au VIe siècle, et le texte coranique qui est prêché au VIIe siècle, énormément de liens qui relient les uns aux autres. Christian Robin, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Louis Deloncle, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacre à Shakespeare, mort voici 400 ans. Que peut-on donc découvrir dans sa tombe? Sa tombe, par ailleurs, maudite.